je veux la gagner sans la king, la victoire et la palme d'art. Les plans sont accros, c'est rare comme un bébé calme. On vient prendre les médailles en douceur ou avec mandale. Pourquoi tu t'emballes? Ça vient d'en bas là où on s'en bat. Les couilles bouc, si tu m'écoutes, ma route en forme de croûte. Dans mon gang, les membres sont restreints. Ça fait 10 piges que je champif avec le bis. Quand j'arrive, la piste s'écarte, car mon love sans la piste garde. C'est la gang qui parle, annonce le speaker de speed comme le si à des sprinteurs. C'est testos, t'en as trop fait d'après les verres cutéreux. Les haineux de mon produit, les produits, les trous ducs. Tout est logique de la carotte jusqu'à la pipe. T'es sur tapis, direct en chromatologie. Ça pète quand, dans peu de temps, autour du feu de camp. J'aurai l'honneur du titre, pour l'instant j'ai l'œil du tigre. À 100% on avance malgré les chutes, les chocs. Nous rend plus fort, les putes on les évite. Les douleurs on a connu du petit bobo au garde plat. Comment éviter les faux plans, devenir comme si mon teint plat. À 100% on avance malgré les chutes, les chocs. Nous rend plus fort, les putes on les évite. Les douleurs on a connu du petit bobo au garde plat. Comment éviter les faux plans, devenir comme si mon teint plat. Depuis tout petit les mots j'écriture. Ma spécialité c'est l'écriture. On me demande pourquoi cris-tu. Je réponds qu'à la radio trouve des détritus et des mépris-tus. Le rap ne brille plus. Les rappeurs touchent le ciel quand c'est sous le sol que je me situe. Comprends-tu? La situation entre dans la situe. La création est nulle, MC sans que l'attitude devrait être plus taciturne. Alors je rature la feuille, je retourne. C'est des bits saturés, pas grave que le sang tourne. Cela fait longtemps que cela dure, donc savoure. Cyanure. Contre vents et marées, on a démarré pendant notre amalange. Car le diable sous ses montagnes de promesses et c'est tout est trop l'avalanche. Alors l'âme à la hanche, nouveau challenge, on se donne carte blanche, ta lame enclenche. 2006, là t'écris que le mic repense. À 100% on avance malgré les chutes, les chocs. Nous rend plus fort, les putes on les évite. Les douleurs on a connu du petit bobo au garde plat. Comment éviter les faux plans, devenir comme si mon teint plat. À 100% on avance malgré les chutes, les chocs. Nous rend plus fort, les putes on les évite. Les douleurs on a connu du petit bobo au garde plat. Comment éviter les faux plans, devenir comme si mon teint plat. Ça a débuté il y a longtemps, et malgré les contretemps, on a fait ce qu'il fallait, j'y repense de temps en temps. On a eu des compliments, et des gens réfractaires. Sache que je recommencerai, si jamais c'était ta faire. On est souvent tombé à terre, perdu nos repères. Un jour tu gagnes, un jour tu perds. Il faut parfois que tu persévères. On veut percer vers le haut du tableau. Quand les rats quittent le navire, les autres sauvent le bateau. Mais nos rêves sont toujours là, parce qu'ils font partie de nous. Et le plus dur dans ces histoires, c'est de pouvoir rester debout. Tu perds un ami, puis un autre. Et c'est comme ça jusqu'au bout. Le destin est parfois dur à toi d'encaisser les coups. Je peux pas dire que j'ai pas de regrets. Je rappe pas pour la gloire, le pouvoir et le succès. Je rappe pas pour pouvoir me faire sucer. Y'a rien qui change, toujours les mêmes têtes qui passent. Toujours les mêmes thèmes dans nos textes. Même si les gens sont là, sont dit ce qu'on pense. Ce qu'on voit, ce qu'on entend et ce qui se passe. Même si c'est break pour les ventes, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. À 100% on avance malgré les chutes, les chocs. Nous rend plus fort, les putes on les évite. Les douleurs on a connu du petit bobo au garde plat. Comment éviter les faux plans, devenir comme si mon teint plat. À 100% on avance malgré les chutes, les chocs. Nous rend plus fort, les putes on les évite. Les douleurs on a connu du petit bobo au garde plat. Comment éviter les faux plans, devenir comme si mon teint plat. Est-ce qu'on a raté des choses ou est-ce qu'on a vu la bonne fée? C'est de sa époque, un goût de shot, je crois que j'ai pas pris la bonne bouffée. Ne crois pas que j'arrive trop tard, je m'arrête en chemin pour faire le tri. Non, je n'ai pas la vie facile, le rap un chemin trop étroit, mais je tiens debout. Et fais mes bails en secret, car les panames vont vite, j'ai mal dans le bas du ventre à force d'avaler trop de merde. J'avance doucement, rien à battre si tu me dis, dans le rap. On est des dizaines, mais très peu sont dans mon X-Men. J'suis pas un X-Men, mais j'ai la force pour mes frères. Toujours d'aplomb dans le circuit, les poches vides et le cœur plein d'espoir. On prend le compte à rebours, à tes cas c'est blanc et noir. Rien n'a changé depuis l'époque, toujours l'envie de reprendre du poids. À 100% on avance malgré les chutes, les chocs. Nous rend plus fort, les putes on les évite. Les douleurs on a connu du petit bobo au garde plat. Comment éviter les faux plans, devenir comme si mon teint plat. À 100% on avance malgré les chutes, les chocs. Nous rend plus fort, les putes on les évite. Les douleurs on a connu du petit bobo au garde plat. Comment éviter les faux plans, devenir comme si mon teint plat. Ouais, c'est la rage du bitume qui nous motive. On lâchera pas l'affaire parce que les ondes positives. On aime pas trop les tournures que le rap a pris. Qu'à source de dingue en rage, une écoute était guérie. À des cas, le gros qui parle quand d'autres se taisent. Après toutes ces années, on retrouve toujours la même braise. Dick, team du ghetto, mon cavalo. On a toujours la ganache au bout du boulot. On vit la serre, mais on essaye de garder le niveau. La race de caille de cravot espère vendre en laveau. On écrit des poèmes pleins de véracité. Ça vient d'une cité, mais on s'engage à féliciter. Tout le monde se demandait, mais où sont-ils? Pas d'inquiétude, mal on arpentait la ville. Cette aille à la main, la rage dans les gencives. Acte de présence, le reste sur tes cliffs.